Chapitre 3. Aujourd'hui, la veille de l'ouverture, à 6h du soir, j'étais au rendez-vous que m'avait donné Bretignot sur la place Périgord. Là, je montais, moi, 8e, sans compter les chiens, dans la rotonde de la diligence. Bretignot et ses compagnons de chasse, je n'osais encore me compter parmi eux, étaient superbes sous le harnais traditionnel. Excellent type. Curieux à observer, les uns sérieux dans l'attente du lendemain, les autres gais, loquaces, ravageant déjà en paroles toutes les réserves de la commune d'Hérissart. Il y avait là une demi-douzaine des plus distingués fusils de la capitale picarde. Je les connaissais à peine, aussi l'ami Bretignot dut-il me présenter dans les formes. Ce fut d'abord à Maximon, un grand sec, le plus doux des hommes dans les conditions ordinaires de la vie, mais féroce dès qu'il avait un fusil sous le bras. Un de ces chasseurs dont on dit qu'il tuerait un de leurs compagnons plutôt que de revenir bredouille. Lui, Maximon, ne parlait pas. Il s'absorbait dans ses hautes pensées. Près de cet important personnage se trouvait Duvauchel. Quel contraste ! Duvauchel, gros, court, entre 55 et 60 ans, sourd à ne pas entendre la détonation de son arme, mais qui n'en réclamait que plus rageusement tous les coups douteux. Aussi lui avait-on fait tirer plus d'une fois un lièvre déjà mort avec un fusil non chargé. Une de ces mystifications de chasseur qui égayait pendant 6 mois la conversation des cercles ou des tables d'hôtes. Je dus subir aussi la vigoureuse poignée de main de Matifa, grand conteur d'exploits cynégétiques. Il ne parlait jamais d'autre chose. Et quelle interjection, quelle onomatopée, le cri du perdreau, la boyée du chien, la détonation du fusil, pan, pan, pan, 3 pans pour un fusil à 2 coups. Puis, quel geste, la main qui prend un mouvement de godille pour imiter les zigzags du gibier, les jambes qui se replient, le dos qui s'arrondit pour mieux assurer le coup. Le bras gauche qui se tend pendant que le bras droit revient à la poitrine pour indiquer l'épaulement de l'arme. En tombait-il de ces bêtes de poils et de plumes? Que de lièvres tirés au déboulé! Il n'en manquait pas un. Je faillis même être tué dans mon coin, pan! Un de ses gestes. Mais ce qu'il fallait entendre, c'était Matifa causant avec son ami Poncloué, les doigts de la main. Ce qui ne les empêchait pas de s'accabler de procès, pour peu que l'un mît le pied sur les réserves de l'autre. « Ce que j'ai tué de lièvre l'an passé, » disait Matifa pendant que la cahoteuse voiture roulait vers Hérissart. « Oui, ce que j'ai tué ne saurait se chiffrer. »« Tiens, c'est comme moi, » pensais-je. « Et moi, Matifa, » répondit Poncloué, « te rappelles-tu la dernière fois que nous sommes allés chasser sur Argueuve ? Hein, c'est perdreau ! » Je vois encore le premier qui a eu la chance de passer à travers ma charge de plomb, et moi le second dont les plumes ont si bien volé qu'il ne devait plus y rester que la peau sur les os. Et celui que mon chien n'a jamais pu retrouver dans le sillon où il était tombé, pour sûr. Et celui que j'ai eu l'aplomb de tirer à plus de 100 pas, bien certain de l'avoir touché pourtant. Et cet autre que de mes 2 coups, pan, pan, pan, j'ai roulé dans la luzerne, mais dont mon chien n'a malheureusement fait qu'une bouchée. Et cette compagnie qui s'est levée, juste au moment où je rechargeais mon fusil. Ah, quelle chasse, mes amis, quelle chasse! En comptant à part moi, je m'étais bien aperçu que de tous les perdreaux de Poncloué et de Matifa, il n'en était pas rentré un seul dans leur carnier. Mais je n'osais rien dire parce que je suis naturellement timide avec les gens qui en savent plus que moi. Et cependant, puisqu'il ne s'agissait que de manquer le gibier, j'en aurais, par Dieu, bien fait autant. Quant aux autres chasseurs, j'ai oublié leur nom. Mais, si je ne me trompe, l'un d'eux était connu sous le sobriquet de Baccara, parce qu'en chasse, il tirait toujours et n'abattait jamais. En vérité, qui sait si je n'allais pas mériter ce surnom? Allons donc, l'ambition me gagnait, j'avais hâte d'être au lendemain.